adieu aux copains et découvrir enfin l'immensité du monde aux 100 000 chemins. Découvrir un amour que les enfants du monde nous offriront demain.